repères et fais un pas, mais j'ai la tête tellement à l'envers que je trébuche et tombe par terre. Alors tu regardes très amusé, tu te rappelles m'avoir croisé juste à côté au bord du coin, m'en tirer avec l'air d'oiseau plein. Je réalise qui vient d'arriver, je me relève vraiment froissé, mais tu souris si inspiré que je retombe impressionné. Alors tu m'invites à me rassembler, tu sembles même m'apprécier, juste un regard un peu suspect. Mentirais-tu sans me parler? Je mets que tu, alors justement je mets que tu, alors justement je mets que tu, alors justement je mets que tu, alors justement. Je reste en tranche, accroché au bar, je te regarde t'éloigner de moi, mais j'ai la tête tellement de travers que je te vois à travers un verre. Alors je me marre à très amuser, tu as le corps à tout déformé, juste une flaque de whisky par terre m'entraîne encore à ne pas être fier. Je mets que tu, alors justement je mets que tu, alors justement je mets que tu, alors justement je mets que tu, alors justement. Alors